Chapitre 5. Les deux Alcaïdes. Marsille prit la parole en ces termes. Qu'Allah vous éclaire et répande sur vous ses lumières, car je vous ai réunis pour vous demander conseil. Écoutez cette courte histoire et dites-moi ce que vous en pensez. Un lion plein de force et de jeunesse bâillait à se décrocher la mâchoire. Il n'avait rien fait depuis la veille, et cependant, tout entier à sa paresse, il se roulait sur le sable, se grillant alternativement l'un et l'autre flanc au soleil. Une fourmi passa près de lui, traînant péniblement un moucheron. La voyant faire tant d'efforts pour un si mince résultat, le lion se mit à rire. « Il te sied bien de railler, lui dit la travailleuse sans ralentir sa marche. Je suis faible, mais je fais usage sans réserve du peu que le Seigneur m'a donné de force. Tandis que toi, qui pourrais prétendre à tout, tu cherches le repos avant que la fatigue l'ait rendu nécessaire. Cesse de rire, tu n'en as pas le droit. Je suis plus forte et plus courageuse que toi. Retiens ceci. Fourmi qui travaille fait plus que lion qui dort. » Et Mahomet, qui les écoutait, accoudé sur un nuage, approuva fort les paroles de la fourmi. Par le Seigneur de la Kaaba, par le sanctuaire de la Mecque, ne sommes-nous pas semblables à ce lion? Nous passons notre vie dans l'oisiveté, dans la mollesse, tandis que le roi des Francs travaille à agrandir ses états. Avant-hier en Aquitaine, hier en Lombardie, aujourd'hui en Saxe, demain il sera chez nous. Vous sentez-vous d'humeur à l'attendre, vous les fils de ceux que Moussa conduisit sur les bords du Rhône et de la Saône? Si, gorgés de richesses, vous avez oublié le passé, les gens de Nîmes, d'Arles, de Narbonne, de Bordeaux, de Lyon, de Toulouse et de Châlons s'en souviennent en regardant leurs villes ravagées, leurs abbayes désolées, leurs basiliques détruites. Fils d'Al-Sama, d'Abdelrahman, d'Ambissa, de Marsoufle, suce aux fils de Charles Martel, d'Eude et de Pépin. Si ces noms de victoire ne font pas battre vos cœurs, peut-être tressailliront-ils au souvenir de notre désastre de Poitiers. Les ossements de nos pères ont engraissé le sol français. La moisson qu'on y récolte, c'est le sang des nôtres qui l'a fait germer. Elle est à nous, on nous la vole. Allons la reprendre. » L'assemblée accueillit ce discours par des hurrahs formidables. Les cris, les serments, les menaces, les conseils se croisaient et se confondaient si bien que Marsille ne savait auquel entendre. Le roi de Saragosse remarqua cependant deux de ses émirs qui se tenaient à l'écart et demeuraient silencieux. Quand ce tumulte se fut apaisé, il leur fit signe d'approcher. « Pourquoi vous isoler ainsi et ne point partager l'enthousiasme général? Répondez, Abiatar, répondez, Ibn al-Arabi. Vous êtes d'ordinaire plus empressé lorsqu'il s'agit d'affaires de guerre. » « Seigneur, répondit Abiatar, Alcaïde de Huesca, je vous vois avec peine tenter une aventure dont vous ne tirerez aucun profit. » Un murmure menaçant fut la réponse de l'assemblée. « Grande est la responsabilité que vous prenez, dit à son tour Soleiman Jaktan ibn al-Arabi, Alcaïde de Saragosse. Puissiez-vous ne pas vous repentir d'avoir appelé sur vous la colère du roi des Francs? » Ces paroles excitèrent un tel mouvement de rage que plusieurs des pères de Marsille tirèrent leurs sabres du fourreau et en menacèrent les deux émirs. « En vérité, reprit le roi de Saragosse, je ne vous reconnais pas et veux attribuer à votre grand âge les lâches paroles que vous venez de prononcer. Nous ne manquons ni de courage ni de force malgré notre âge, dit Abiatar, que la colère faisait affreusement pâlir, Et nous le prouvons suffisamment, il me semble, en osant parler le langage de la raison devant des fous. » Plusieurs chefs s'avancèrent l'arme haute. « Nous ne manquons pas de force non plus, » ajouta Ibn al-Arabi en prenant à la gorge un de ses plus violents adversaires et en le jetant à 20 pas. « Ceux qui en doutent en trouveraient facilement la preuve. » Marsille descendit de son trône et se plaça entre les combattants. « Gardez cette ardeur pour une occasion meilleure. Je vous remercie de m'avoir prouvé que j'avais raison de compter sur vous. Quant à toi, Abiatar, quant à toi, Ibn al-Arabi, je vous sais gré de votre franchise, mais vous prévoyez les choses de trop loin pour n'avoir pas deviné que je confierais à d'autres la défense de Huesca et de Saragosse. » N'ayant plus aucune charge relevant de ma couronne, vous pourrez écouter sans remords les conseils dont, je le vois, votre prudence est prodigue. » Puis il leur fit signe de se retirer. Les deux émirs s'inclinèrent et sortirent. Un mois après, ils arrivèrent à la cour de France.